إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل إن شاء الله كلمتنا فيما كنا بصدده وهي كلمة في توحيد الله عز وجل وقبل أن نبدأ نشكر الإخوة على انتظارهم avant de commencer donc je remercie les frères pour avoir un peu patienté parce qu'il y avait beaucoup de voitures. Nous aussi, on a patienté derrière. Hein, il y avait un match, il fallait nous prévenir quand même. Hein, donc c'était bien rempli, la route elle était bien remplie. À la kulli hal, Inch'Allah, on va faire une petite mouraja'a de ce qu'on a appris auparavant. Et on va essayer de voir si les gens ils ont bien compris au moins ce qu'on a, de ce qu'on a, yani ce qu'on a parlé la semaine enfin il y a deux semaines maintenant, sur ça, sur ce sujet-là, sur le tawhid. Taïb. Donc on a dit que le tawhid, qu'est-ce que c'était? Le fait d'unifier Allah, c'est-à-dire ta'oud Allah azza wa jal, sans rien lui associer. Mais on lui avait donné une définition, vous vous souvenez? Ifradullah bil'ibada. D'accord. On a dit on ne cite pas les deux autres tawhid, malgré que vous les connaissez, les deux autres tawhid qui sont tawhid et tawhid. D'abord, ils se divisent en combien les tawhid? Trois. Le premier, Rububiyya. Le deuxième, Uluhiyya. Et le troisième, Asma wa Sifat. Là, on dit Ifradullah bil'ibada, ça veut dire qu'on a sorti, ou plutôt on a dit que celui qui était quoi? Tawhid Uluhiyya. D'accord. Pourquoi on ne cite pas l'autre? Pourquoi on ne cite pas les deux autres? Parce que même les créants reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Allah. Non. Parce que c'est ensemble, c'est un tout. Une fois que tu as admis que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton Dieu et que tu dois l'adorer, khalas. Tout le reste, ça va ensemble. Ça veut dire que tu lui as donné ses noms ainsi que ses attributs. Ce qu'il dit, lui, c'est autre chose. Le frère, ce qu'il a dit, c'est autre chose. Ça, c'est pour ne pas donner le tafsir de la ilaha illallah. Maintenant, bah tiens, on va parler du tafsir de la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça veut dire, la ilaha illallah? Dites-le en arabe, essayez d'apprendre l'arabe. Lorat ajdadikum, wa lorat dinikum, wa lorat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Essayez de dire en arabe. Même un ajami, il faut qu'il apprenne l'arabe. Non, ça ne veut pas dire ça, la ilaha illallah. Ayah. La ma'abouda bi haqqin illallah. Le dalil. C'est sur le Luqman. Dis-le. Pourquoi tu l'as pas appris? Zalika bi anna Allah huwa al-haq. Zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Na'am. Fa hadhihi ma'na la ilaha illa Allah. Ba'dhum, certaines personnes, ils ont fassir la ilaha illa Allah par d'autres paroles. Ils ont dit la khaliqa illa Allah. Est-ce que c'est vrai ça? Ben non, c'est faux, parce qu'il y a une seule définition de la ilaha illallah. Taïb, pourquoi c'est faux? Parce que les mouchriquins eux-mêmes savaient qu'Allah était leur créateur. Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulun Allah. Taïb. Donc beaucoup de sectes égarées, beaucoup de jama'at, hein, qui sont bien perdues, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah les guide vers la vérité, beaucoup disent que la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah, c'est lui le créateur. C'est lui le créateur. C'est ça que ça veut dire la ilaha illallah. La yaqwan. Hein, ça, même tu vas, tu demandes au bédouin qui est au fin fond du désert, tu dis c'est qui ton créateur, il va dire c'est qui? Il va dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire regarde, al-ba'ra tout adullu ala al-ba'ir. Il va dire hein, la crotte qu'il y a dans le désert hein, est une trace qui prouve qu'il y avait un animal ici. Et ensuite il dira le bédouin, comment alors ces cieux et cette terre, etc., etc., comment avec une si belle organisation, une perfection hein, de cette taille-là, on pourrait dire qu'il n'y a pas de créateur. C'est impossible. Ça, il n'y a qu'un fou pour dire qu'il n'y a pas de créateur. Il n'y a qu'un majnou, il n'y a qu'un comme Pharaon. Parce qu'ils le savaient, mais stakbaru, ils se sont remplis d'orgueil. Ils savaient. Il n'a jamais dit An Allah, Pharaon. Il a dit An Rabbukum, Al-A'la. Mais il n'a jamais dit An Allah. Les ulama, ils ont dit parce que Fiqaradrati Nafsihi, il savait quoi? Il savait qu'il y avait un créateur, mais c'est le kibr. C'est l'orgueil qui l'a empêché. Vous avez compris ça, mes frères? Donc en vérité, tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Tout le monde sait qu'il y a un Dieu et Allah, il a créé comme cela. Allah, il a créé comme cela, c'est-à-dire tous les cœurs, ils savent qu'il y a un Dieu qui existe, mais après, certains s'égarent au moment où ils vont rechercher ce Dieu-là. D'accord? Certains s'égarent au moment où ils vont rechercher ce Dieu-là. Taïb, on a dit que celui qui s'égarait de la voie d'Allah, du Sirat al-Mustaqim, et qui n'adorait pas Allah, il adore qui à la fin? Il adore Shaytan ou il adore son nefs, son âme. D'accord? Il est sujet à l'adoration de son âme, qu'Allah nous en protège. Et on a dit, qu'est-ce qu'on a dit d'autre également sur le tawhid? On a dit que le tawhid, c'était la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Et que beaucoup de gens recherchent, dans cette vie-là, la raison pour laquelle ils ont été créés. Sah? Et toi, bihamdillah, tu l'as su. Tu l'as su an tariq al-islam. Tu l'as su par la voie de l'islam. Et tu l'as su par la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu as su que cette dîne était la vérité. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc Allah ne t'a créé que pour cela. Et tu as su également que le tawhid, c'était أعظم الحسنة. Et tu as su que le shirk, c'était أعظم السيئة. La plus grande, si on te pose la question et on te dit, quelle est la plus grande des hasanah, la meilleure des œuvres, tu vas dire quoi? C'est la ilaha illallah. C'est la ilaha illallah, c'est le fait d'attester qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. طيب, donc tashhad avec la première shahada qu'Allah c'est lui qui mérite l'adoration. Et celui qui mérite le suivi, c'est pas l'imam fulan ou l'imam fulan ou l'imam fulan. Non, nous on respecte les imams, mais si il y en a un qui va en contradiction avec la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on délaisse sa parole et on prend quoi? Et on prend la parole du Rasoul alayhi salatu wa sallam. Vous avez compris? L'imam Malik rahimahullah ta'ala disait kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. L'imam Malik disait on prend de tout le monde. Yani tout le monde est sujet à prendre ou alors refuser sauf cet homme qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète alayhi salat wa sallam. Vous avez bien compris ça, mes frères? On a donné plusieurs choses, les bienfaits du tawhid et ainsi que les effets néfastes du shirk. Taïb, on a su ce qu'était le tawhid. Bon, quelques bienfaits du tawhid. Yallah had, même en français. Ce sont des français, allez. L'entrée au paradis. L'entrée au paradis, naam. Ça c'est clair, celui qui dit la ilaha illallah, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Les œuvres qu'on fait sont acceptées par rapport à cette parole. Elles sont acceptées que par rapport à cette parole là, rien que ça suffit. Na'am. Tayeb, quoi d'autre encore? Nous éloignons du shirk. Allah nous a interdit le shirk. Préserve de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous préserve de l'enfer avec cette kalima. Ça veut dire que celui qui meurt avec cette kalima là, même s'il a fait des péchés, inshallah, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il n'a pas fait de shirk. Naam. Quoi d'autre? Ça efface les péchés. Naam. On avait cité quel hadith? Tu te souviens? le hadith où il va avoir un registre dans sa balance où il y aura écrit La ilaha illallah, subhanallah. Vous avez vu, Alamat al-Tawhid, les frères, après on dit Tawhid, c'est pas important. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Naam. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a cité? Que c'est la première obligation aussi. Hein, quoi d'autre? Qu'elle va te sauver, fait de dunya, on fait l'akhira. Ah, faut se souvenir, les frères. C'est pas on fait un cours après classe si tu viens plus. T'as, on va passer au shirk. Shirk, c'est quoi d'abord? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ça, c'est une définition. Mais c'est pas celle qu'on a donnée. Hein? C'est donné à non. Des associés. Non. J'ai dit, c'est quoi la définition du shirk? Je répète la question. Hein? Donner à Allah des associés dans des spécificités qui lui. Ouais, tu t'as rapproché. C'est le fait de taswiyat ou ghayrillah billah fima huwa min khasaisillah. Le fait de rendre égal à Allah, hein, autre qu'Allah, à Allah dans ce qui lui est propre. Vous avez compris ça, inshallah? Allah, par exemple, c'est lui Razzaq. C'est lui Razzaq. C'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui donne à manger. Toi, tu viens, tu donnes un égal. Tu dis, si dit Foulen, il donne aussi à manger. Et tu viens, tu dis, si dit Foulen, donne-moi. D'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? T'as fait du. Le shirk, t'as le pire des péchés, qu'Allah nous en protège. Et des gens ils le font, et beaucoup de gens ils le font, mais par ignorance. Il faut leur enseigner. Il faut leur enseigner car c'est quoi? C'est le pire des péchés. Qu'Allah nous en protège. Taïb, bon, après on a parlé des effets néfastes du shirk. Quels sont ces effets-là? Plutôt, quelle est cette gravité? Ça t'éloigne d'Allah. Oui, ça t'éloigne d'Allah. Ça c'est clair. Ça rend les actions vaines. Barakallahu fik. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. Non, attends, lui avant toi. Allah il le pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dana dhalika liman yasha. Sallallahu alayhi wa sallam. Aywa. Il va en enfer direct. Et il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Qu'Allah nous en protège. T'imagines, toi, toute ta vie, tu as fait du khair. Et puis un jour, par passion, hein, ou par quelque chose comme ça, tu as fait du shirk. T'imagines? Wa inna ish, wa inna al-abda la ya'malu bi'amali ahli al-jannah, hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'. Hein? فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل بعمل أهل النار فيدخلها. كلا نزوم خوتش. Imagine toi, vous avez compris le hadith, hein? C'est lui, vous connaissez le hadith d'Ibn Mas'ud, jusqu'à ce qu'après, hein, il fait des œuvres toute sa vie de tawhid en apparence, parce qu'il y a une version qui est venue et qui a précisé ce hadith là. En apparence, il fait le bien pour les gens, mais en vérité, toute sa vie, il a pas fait vraiment pour les gens. Il a fait pour qui? Il n'a pas fait pour Allah. Il a fait pour qui? Pour les gens en réalité. Et Hala, il arrive à sa mort, et Allah, regardez par quoi il le punit. Il le punit par autre chose, qui est quoi? Qui est le shirk. C'est-à-dire, il est puni par quoi? Il est puni par, hein, le fait qu'il va œuvrer une œuvre, d'une œuvre qui va le faire rentrer en enfer. Donc, mon frère, faut toujours avoir peur, faut toujours craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi innahunna adlanna kathiran minan nas. Rabbi junubni wa baniya an na'bud al asnam. C'est qui a dit ça, les frères? C'est Ibrahim alayhi salam. S'il y avait bien quelqu'un qui aurait été sauvé de cette fitna, la fitna du shirk, ça aurait été qui? Ça aurait bien été Ibrahim. Toi, alayhi salam. Pourquoi toi, tu n'as pas peur? Wallahi, celui qui n'a pas peur du shirk, ikhwan, celui qui n'a pas peur de cela pour son âme, wallahi, il n'a rien compris à l'islam. Puisque des prophètes eux-mêmes, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de ça. Toi, tu dois toujours avoir peur du nifaq, c'est-à-dire de l'hypocrisie. Tu dois avoir peur, hein, du shirk. Tu dois avoir peur du kufr. Des fois, tu vas dire une kalima, c'est du kufr. Et elle peut te faire entrer en enfer. Wa inna ar-rajula la yaqulu al-kalima fa yahwi biha fi an-nari 70 kharifa. Il se peut qu'une personne dise une parole et de cette parole-là, il va 70 ans en enfer. A'udhu billah. أعوذ بالله وإترنيتي من juste à dire une parole. Fais attention. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام دائما يستغفر الله. Tout le temps il demandait le pardon d'Allah سبحانه وتعالى. Ça c'est important. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له إيش الاستغفار أكثر من 100 رواية و 100 مرة في مجلس واحد. Là dans un seul مجلس il est là dans une seule assise le prophète عليه الصلاة والسلام il le voyait faisait l'istighfar pendant dans une riwaya, dans une version 70 fois, et dans une autre version 100 fois, et même plus. Et c'est le Rasoul, alayhi salatu wassalam. Et Allah, il lui a pardonné ses péchés. Il a pardonné passé et futur. Subhanallah. Et c'est le meilleur des hommes. C'est le meilleur des hommes. Et, alayhi salatu wassalam, Allah nous dit à son sujet, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sois Hassana, un bon exemple à suivre. Si toi tu ne suis pas le Rasoul alayhi salatu wassalam, qui c'est que tu vas suivre? Et c'est ça la ma'na de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Donc mes frères, wallahi allimu tawhid hawlakum. Enseignez le tawhid autour de vous. Enseignez, dites à des gens, posez-leur la question et vous verrez par vous-même. Pose la question aux gens qui sont autour de toi. Que tu penses, toi, alhamdoulilah, que c'est des musulmans, etc. Eh ben, pose-leur la question, demande-leur c'est lequel les pires des péchés et c'est laquelle la meilleure des actions. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Et tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Il y en a, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire le pire des péchés, c'est zina, c'est la fornication, c'est l'adultère. D'autres, ils vont dire c'est le riba. D'autres, ils vont dire ça. Là, ikhwan. Là, enseignez toujours le tawhid. Il y avait zina fi waqti Nuh. Au temps de Nuh, il y avait zina, il y avait des choses mauvaises. Mais quand est-ce, non, afon, au temps de Adam, il y avait des choses mauvaises. Mais quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Nuh? Dès que le shirk il est arrivé. Car le shirk c'est le pire des péchés. Le shirk c'est le pire des péchés. Donc faites bien attention. Et ça doit être le meilleur des rappels. À chaque fois tu dois faire ce rappel là. Tu connais rien dans le din, tu connais au moins ce que ça veut dire la ilaha illallah avec ses dalils. D'accord, c'est pour ça qu'on voulait faire répéter, hein, inshallah ta'ala, afin que ça soit bien appris par cœur, et afin que tu es capable de appeler au din al-islam là où tu es. On a sallallah min fadli. Taïb. Donc là, inshallah ta'ala, on a parlé du shirk, on a parlé des effets néfastes du shirk. On a dit que l'amal la yakunu maqboulan illa bit-tawhid, que l'œuvre n'a accepté que si, hein, tu as unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur, yani tu l'as adoré lui et lui seul. Sachez mes frères également qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il interdit quelque chose, lama Allah subhanahu wa ta'ala yanha an shay, yanha amma hawla kadhalik, yani il interdit, hein, les choses qui vont mener à cette chose là vous avez compris ça? Et ça, faut bien le saisir. Aujourd'hui tu as des gens qui vont essayer de te permettre certaines formes de shirk, hein, comme ceux qu'ils appellent le tawassul, hein, le tawassul tout le temps, ils parlent de la sollicitation, le tawassul, tawassul, tawassul. Toute notre religion elle est venue pour appeler au tawhid et quoi, et interdire le shirk. D'accord, c'est ça le tawhid. Ça, t'as des gens aujourd'hui qui viennent et qui essayent à travers le tawassul, à travers soit des hadiths qui sont daïfs, d'accord, soit à travers des hadiths qui sont daïfs, ou soit à travers quelques ambiguïtés, quelques histoires ici et là, ils vont essayer à travers cela permettre le shirk, permettre de venir à une tombe et permettre aussi faire du shirk, hein, au niveau de cette tombe là ou yani ailleurs, yani faire du shirk. Vous avez compris ça, inshallah? Et ça, faut absolument que ça soit bien saisi. Il y a des chaînes télévisées, de télévision, où on appelle à ça. Il y a une grande personne, j'ai pas envie de citer son nom, ça sert pas à grand chose, surtout ici, inshallah ta'ala, vous le saurez, hein, surtout si vous le voyez. Lui, il se cache pas pour le dire. Il a dit dans la télévision, il a dit, Ya Rasulallah, inni as'aluk an tarfa'a hadhihi al-haja ila Allah. Dans la télévision, il a dit ça. Vous imaginez, ton père ou ta mère qui est musulmane comprennent l'arabe. Ils vont comprendre quoi? Ils vont comprendre que ça, c'est permis de faire du shirk. Vous avez vu tous les hadiths, toutes les ayats que vous associez la dernière fois? Et bien aujourd'hui, malgré ça, il y en a des gens qui disent Ya Rasulullah, inni as'aluk an tarfa'a hadhihi al-haja ila Allah. Ô prophète d'Allah, ô messager d'Allah, nous te demandons, ou je te demande, d'élever ce besoin-là à qui? À Allah. Et c'est ce qui, soi-disant, lui appelle le tawassul. Mais le tawassul, c'est pas ça, les frères. Le tawassul, c'est, on sait comment on fait le tawassul. Le tawassul, c'est le fait de solliciter. Hein? Mais tu sollicites Allah avec quoi? Avec une œuvre, ou alors avec une personne, mais vivante et présente, d'accord? Ou avec une œuvre, comme ceux qui sont rentrés dans la caverne, et après ils ont dit, Ya Rabbi, si cette œuvre-là, elle était sincère pour toi, faraj alayna. Vous connaissez l'histoire de la caverne avec le rocher qui a fermé hein, la porte. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus à Allah en disant, Ya Rabbi, j'ai fait une œuvre, ainsi elle était sincère. Faraj anna, ouvre-nous cette épreuve dans laquelle on est. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc oui, on fait le tawassul par ça, ou alors, comme le faisaient les compagnons, ils appelaient qui? Al-Abbas. L'Abbas qui était l'oncle du prophète, alayhi salatu salam, il appelait et lui demandait de faire dua. D'accord? Donc il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala en sa présence. Mais non pas comme certains font, ils viennent, ils demandent directement à qui? À Rasulullah. Ou alors, à partir du moment où tu appelles un mort, ça y est, tu as fait du shirk. C'est ça. Hein? Taïb. Et aujourd'hui, dans les télévisions normales, ou alors tu entends aussi Al-Wali Yakhluq. Ça, il y en a un qui est venu ici à Stalingrad. Ici, dans une mosquée à Stalingrad, il est venu. Il a dit quoi? Cette personne-là, elle le dit ouvertement, que le Wali, c'est-à-dire l'allié d'Allah, il peut créer, il peut faire des choses, na'am. Ou alors, il peut faire vivre, il peut faire mourir, le Wali d'Allah. Etc, etc. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc ça existe. Ça existe. Aujourd'hui, on adore des gens en Afrique. Je dis bien en Afrique, mais c'est âme en Afrique. Hein. Ça peut être chez nous, hein, ça peut être chez nous dans les pays arabes ou dans les pays africains, hein, plus dans le sud. Hein. Mais ça existe, où il y a des tombes où on fait un hajj. Vous savez ça? Ils font un hajj. Ils disent que ton hajj, il n'est pas accepté que si tu passes par cet endroit-là. Vous avez compris? Vous savez c'est où? C'est où? C'est à Touba. Hein, tu viens et dès qu'ils le voient, ils ont vu un jour le shir, là, le shir de tous ces mourides, il est sorti comme ça, ils ont dit, lui c'est comme un dieu pour moi. A'oudhu billah. A'oudhu billah. Ça existe les frères le shirk, faut pas vous dire que ça existe, par Allah. Et Iblis, il vient, Iblis, comme il dit Ibn al-Qayyim, il te combat par cela, il fait tout. D'abord, il essaye de tout faire pour que tu fasses du shirk. Ça, c'est sa première étape. Dès que tu rentres dans l'islam, tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ». Si tu ne connais pas le tawhid, tu n'as pas appris un minimum de ton din, qu'est-ce qu'il va faire Iblis? Il va venir, il va dire quoi? Il va dire « Fais ça ». Mais c'est des choses, tu verras, qui vont t'emmener vers le shirk. Il va dire « Mets la photo de ton père ici, Taïb. Mets une bougie juste à côté ». Au début, c'est rien, photo de ton père. Déjà, c'est grave. Bon, les photos, c'est ce que c'est. Le prophète, alayhi salam, il dit, la'an Allah al-musawwirin. D'accord? Il dit qu'Allah, il a maudit, hein, ceux qui font des images. Taïb, il vient, il dit, mets la photo juste dans ton mur. Comme ça, tu la plaques contre ton mur. Et le soir, tu la regardes. Juste pour te souvenir de ton père. Un autre jour, tu mets une bougie. Un autre jour, tu mets de l'encens. Un autre jour, tu regardes ton père et tu pleures un peu plus longtemps. Hein, qui est parti de cette dunya. Allah yarham le mouminin. Hein, taïb. Et après, tu commences à pleurer. Et Shaitan, il vient comme ça. Et après, tu commences à faire dua. Mais tu fais dua pour ton père. Mais à la fin, les gens, quand ils savent pas que toi, tu es en train de faire dua pour ton père, ben, il y en a peut-être qui vont venir autour de toi et vont dire, ouais, celui-là, il est en train de faire quoi? Adorer ça. Sahulala. Et voilà, et peut-être que tu as provoqué du shirk. Ou alors, si tu es jahil, peut-être qu'Iblis, il va te pousser même à l'adorer. Vous avez compris ça, mes frères? Donc, wallahi, Iblis, il fait tout. Wallah, Iblis, il fait tout pour que tu rentres dans le shirk. Parce que si tu es rentré dans le shirk, si tu rentres dans le shirk, il a tout gagné. La'urwiyannahum ajma'in. La'urwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin, c'est les sincères, ceux qui ukhlisun liman. Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'est pas mushrik, c'est un mukhlis. Sah? Mais lui, Iblis, il vient, il fait tout pour que tu fasses du shirk. Yahulu baynaka wa bayna Allah bidhunubik. Mais a'zam al-mahsi avec laquelle il vient avec le shirk. Il n'arrive pas à faire en sorte que tu fasses du shirk akbar, c'est-à-dire d'adorer directement les statues, adorer les êtres humains ou adorer les. Il n'arrive pas à faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Une autre étape. Fait pour les gens. C'est pour ça que Ibn Qayyim dit quoi? Il dit ce qui est pardonnable, c'est yassirul riya, c'est un tout petit peu d'ostentation. C'est ça qui peut être pardonnable auprès d'Allah. Mais pas kathir al-riya. Kathir al-riya, c'est pas pardonnable. Pourquoi? Parce que kathir al-riya, tu deviens quoi? Allah, il dit quoi? Il dit yura'un al-nas. En parlant de qui? Des munafiqin. En parlant des hypocrites. Vous me suivez ou là, c'est un discours. Hein? Yura'un al-nas. C'est-à-dire qu'ils font pour faire quoi? Pour les gens. Les munafiqin, quand ils faisaient pour qui? Il faisait pour les gens, afin qu'il n'y ait pas d'épreuve dans leur famille, ou à la fin que, lorsqu'il faisait, il faisait pour leur dunya. Vous avez compris, pour être protégé, non pas à Médine quand il faisait des œuvres, donc il faisait cela pour être protégé et pour faire partie des musulmans en apparence. Mais sinon, dans leur cœur, c'était quoi? C'était du nifaq, c'était du kufr. Ils ne croyaient pas en l'islam. Combien de gens aujourd'hui? Combien de gens, dès que tu le titilles un petit peu sur sa religion, il dit « Ouais, c'est vrai, c'est quoi cette religion-là » Ça, c'est vrai. Dès qu'il est un petit peu éprouvé dans sa religion, « Ah, c'est trop dur », et il lâche. Ça, c'est le nifaq. Il n'est pas rentré vraiment dans la religion avec quoi? Avec un cœur sincère, avec sincérité. « Ahasiba an-nas wa yutrakum »« Et yaqulu amanna wa hum la yuftanun » Wallah, yaqwan ifitan, tu vas en avoir. Iblis, il ne va pas te lâcher. Donc, s'il n'arrive pas avec le shirk, qu'est-ce qu'il fait, on a dit? Il essaye de faire l'ostentation. Mais il essaye de la multiplier sur toi. À chaque fois qu'il y a quelqu'un, toi tu parles de tes œuvres. Hey, tu sais, j'ai fait ça. Il cache tes œuvres. Pourquoi tu les donnes? Pourquoi tu dis aux gens? Oktum hasanatik. Kama tuhib anish an taktuma sayyatik. Toi tes péchés, tu les caches. Tu les caches tes péchés. Bah alors pourquoi tu montres tes hasanat aux gens? Vous avez compris? C'est pour ça que certains salafs, ils disaient quoi? Ils disaient cache tes bonnes œuvres. Comme tu aimes cacher tes péchés. Ah, pourquoi? Parce que ça, c'est une porte de quoi? De riya. Il y a des gens, wallah, ils reviennent du hajj. Ibn Omar, radiallahu anhu, disait sur les gens qui partent au hajj. Il y en a un, il est venu le voir, il a dit, ya Abdallah, il s'appelait Abdallah ibn Omar. Il disait, al-hujjaj kathir, walakinnahum qalil. Pourquoi il a dit ça? Il dit, ils sont beaucoup, mais en vérité, ils sont peu. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y en a peu qui sont acceptés de Hajj. Ya Ikhwan, wallah, il y a eu une pluie cette année. J'étais là-bas. Il y a eu une pluie. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il léchait les rampes des escaliers. Allahu Akbar! Il léchait comme ça. A'udhu billah. Du shirk. Comme ça. Yitbarrakoun bi ashiya ma anzallah biha min sultan. Il cherchait la bénédiction dans des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais permis. Tu les vois arriver. Il te laisse même pas faire le tawaf. Tu les vois, ils s'accrochent sur le Kaaba, ou alors ils s'accrochent sur le maqam Ibrahim. Et tu les vois, ils s'accrochent, mais vraiment comme une comment on appelle ça là, la bête là. Une sangsue là. Ils s'accrochent et ils bougent plus. Et ils pleurent. Oh, pourquoi tu pleures? Pourquoi? Subhanallah al-Azim. Dis Allah al-Afiya, Ikhwan. Was'alullah al-Afiya, qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Demandez toujours. Wallah, du shirk, tu vas en voir. Ou alors des gens qui arrivent, dès qu'ils arrivent devant les qubur, ça y est, il est comme du khushu' qui vient tout de suite. Ah, ça, ma asra'a an-nas ila ash-shirk. Comment les gens ils deviennent rapides, comme ils sont rapides vers le shirk. Dès que tu le vois, il est normal. Il va à la mosquée, il n'a pas trop khushu'. Il fait la prière, l'imam, il récite, vas-y, les meilleurs versets, les plus beaux versets du Coran, il pleure pas. Et dès qu'il arrive devant une tombe, là, son cœur, il commence à se remplir de khushu'. Ça, c'est un problème, ça, ça. Ça prouve quoi, les frères? Tawhid, il est pas là. Tawhid, il n'est pas là. Faut les voir le jeudi soir, les chiites, quand ils viennent à Médine, quand ils viennent vers la Maqbara. Ils attrapent le sable comme ça et ils le rentrent dans leur poche, ou alors ils s'essuient avec le visage, ou alors ils embrassent la tombe, les tombeaux qui sont là-bas. Subhanallah, ça faut le voir. Ça, vous croyez qu'ils ont appris ce que vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui? Malgré que ça, Iblis, lui, il fait tout pour que tu rentres dedans. Après, s'il n'arrive pas, il passe à une autre étape, Iblis. Alayhi na'natullah. Iblis, il passe à quelle étape? Il a dit, bon, la première partie, c'était la ilaha illallah. Bon, maintenant, je vois que ça y est, les mouahed. Bon, on va essayer Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à rentrer dans la deuxième partie de la shahada. Il dit quoi? Il dit, t'as vu, c'est un bien que ce que t'es en train de faire là. T'es en train de faire deux rak'at. Fais deux rak'at là. Toi là par exemple, c'est après l'asr. D'accord? Il dit, wallah, nafila, c'est quelque chose de bien. Vas-y, fais plusieurs rak'at jusqu'au maghrib. c'est bien, c'est quelque chose de bien, c'est vrai, les salawats c'est bien. Hein? Allah dit wafa'alul khayr, regarde, il vient avec ça, il dit wafa'alul khayr, toi t'es en train de faire le khayr, ça, là. Vous me suivez jusqu'à maintenant ou pas? Est-ce que c'est permis de salir après l'asr? Là. Pourquoi? Parce que le prophète il a interdit justement de peur à ce que tu fasses. Tu lui adores quoi? Le shems. Justement, les ulama ils ont dit pourquoi que tu rentres dans. Tu ressembles aux gens qui adorent le soleil. Alors il vient min tariq al bid'a. Et le prophète والسلام, il était dur sur ça, sur la bid'a. Pourquoi? Parce que chaque Jumu'ah il disait wa inna sharr al umuri muhdathatuha. La pire des choses, la pire des affaires, c'est quoi? C'est les choses nouvelles, muhdathatuha. Wa kull muhdathatin bid'a, toute chose nouvelle dans la religion, on parle pas de la ça là. Hein? Ça c'est la technologie, hein? On parle pas de ça. Nous on parle des choses nouvelles dans quoi? Dans l'islam, dans l'adoration, hein? Tayeb. Wa kull muhdathatin bid'a, wa kull bid'atin dalala. Wa kull dalalatin finnar. Regardez le prophète alayhi salatu wasalam, pourquoi il insistait sur ça? Il veut que tu adores Allah, mais sous ses enseignements. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Celui quiconque vient avec un enseignement contraire à les nôtres, il sera rejeté. Regarde, tu peux faire des amal مثل الجبال. Walakin tu les as pas fait comme le prophète alayhi salatu wasalam il les a fait, et ben c'est refusé. Allah a dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. Pourquoi il a dit تبعوهم بإحسان? Ceux qui nous ont suivis, vous savez ce que ça veut dire? تبعوهم بإحسان, hein? Ils les ont suivis mais avec maîtrise. Ils les ont suivis خطوة خطوة, pas sur pas. يا أخي الكريم, vous avez compris? لا تحتقرن السنة. Attention que tu dises ah, tiens, cette sunna, c'est pas grave si je la fais pas. La yahi. Le prophète alayhi salatu wasalam, il te dit quoi? Et taqullah walaw bi shaqqi tamra. Tu dois être dur, wallahi al-azim, tu dois être dur. Je dis bien, tu dois être dur avec la sunna. Tu dois pas dire, je vais laisser quelque chose là. Peut-être cette chose-là va te faire rentrer au paradis, yahi. Hein, siwak par exemple, ou ala sabil mithal siwak. Non seulement siwak, siwak, non seulement c'est quelque chose de bon pour ta bouche, d'accord? Mais c'est aussi bon, c'est aussi, hein, une marda, c'est, yani, mardatun lil rabbi, wa mataharatun lil femme. Prophète Sassim dit, c'est une purification pour la bouche, et c'est quoi? C'est un agrément pour ton Seigneur. Imagine-toi, toi, juste, en passant un bâton comme ça dans ta bouche, hein, et en nettoyant tes dents, non seulement ça te fait du bien, mais c'est aussi quoi? C'est aussi bien auprès d'Allah. La tahtaqiranna min al-ma'ruf shay'a. Wallah, les frères. Faites revivre des sunnahs autour de vous. Soyez dur avec la sunna dans le sens où tu dois rien lâcher. Lâche rien. Les nawafil aussi. Attention, les siwak, c'est pas que dans le siwak la sunna. Hein? Ou là dans la barre, ou là. Non, il y a aussi les nawafil. D'accord? Les rawatib, etc. Donc les frères, accrochez-vous à ça. Accrochez-vous à ce dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et wallah, vous aurez une grande récompense auprès de lui qui vous attend, inshallah ta'ala. Parce qu'Allah a dit, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ Yara, hein? Un poids d'un grain de moutarde, tu le verras. Tout ce que tu as fait comme khair, comme sunnah, comme amal, Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est là ce livre? Il laisse rien, ni une grande hasana, ni une petite, rien. Ni une grande seyyah, ni une petite, il n'a rien laissé. وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Et ils trouveront ceux qu'ils ont œuvré dans cette tenue. Toi, tu ne serais pas content tout le temps tes premiers saf, tout le temps ta sunnat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur toi. Ou peut-être qu'on t'a fait même du bal parce que tu la portais. Tu portais la barbe, ou là tu portais le qamis, ou là tu portais al-muhim, des choses qui prouvent que tu es fier de cette religion-là. Hein? Eh bien, peut-être qu'on t'a fait du mal dans cette dunya. Mais wallah, il fait l'akhirah, Allah il donne un grand jaza. Ayez la certitude sur ça, mes frères. Ayez la certitude. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu auras quoi? La certitude. La certitude ici, c'est là. C'est la mort, Ikhwan. Ça y est, c'est fini. Tu verras que toi, quand tu auras rempli ta journée que de tawhid, dans ta bouche, dans tes actes et dans ta da'wa et de sunna du matin au soir, wallahi wallah, que tu vas rencontrer Allah et inshallah ta'ala il sera heureux de toi, yani il t'agréera inshallah. Donc nous on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rencontrer Allah hein, dans la meilleure des positions, dans la meilleure des situations hein, nasal Allah azza wa jal min fadli, walakin i'lam as-sunna, sache, connais ton din, connais la sunna aussi. Le prophète alayhi salatu wa salam il nous a bien montré, sallu kama ra'aytumuni ou salli, priez comme vous voulez prier. Il m'a dit tu pries comme ça où chacun il met, l'autre il met les mains dans sa tête, l'autre il met derrière son dos, là le rasoul sallam kana yaqbid ou kana sunnat al-anbiya, khalas tu le fais, netba. C'est vrai que tel imam il a dit non, tel imam, et peut-être l'imam il se trompe, mais le rasoul sallam il se trompe, kalla wa hasha hein, non, khalas toi t'as un hadith sahih, tabak امشي عليه ليش تقول كذا وتخمم ولا تشي خلاص طه حديث من جاء الدليل خلاص دونك فرا جانسيست بيان سور سا soyez vraiment des gens, accrochez-vous au tawhid mais aussi à la sunna, et plus tu vas connaître la sunna plus tu vas te détourner de quoi, de la bid'a, صح طيب. Il y a des gens par exemple on va prendre un seul exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait les adhkar juste après la prière. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma tassalam, umkassalam, tabarak tayyadal jalali wal ikram. Et après tu peux, Allahumma la mani alima atayit, wa la mu'atiya lima mana'at, wa la yanfa'u dhal jaddu minkal jadd, etc. Tu peux venir avec lui. Quelqu'un qui vient et qui directement après chaque prière il fait autre chose que ça. Exemple, tout de suite il dit salam alaikum, il serre la main. D'accord ? Dites-vous que nous, notre religion, elle est complète. Ça ? Et qu'à chaque fois que tu vas vouloir rajouter quelque chose, ben, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas enlever une sunnah. Là, celui qui serre la main, c'est quelque chose. Bon, il a serré la main, taïb, il le fait une fois, ça va. De temps en temps, il l'a fait une fois, salam alaikum, voilà, il est passé, il est parti. Mais de le faire tout le temps derrière la prière, ça c'est quoi? C'est une bid'a, parce que le prophète SSM il l'a pas fait, vous me suivez jusqu'à maintenant? Mais regardez, juste parce qu'il a fait autre chose, il a enlevé quoi? Il a enlevé une sunna. À chaque fois que tu enlèves, à chaque fois que tu fais une bid'a, tu enlèves une sunna. Vous avez compris? Ça c'est bien enregistré, ça, faites attention hein. Eh non, c'est l'imam Ahmed, inshallah ça. Après c'est un autre cours, l'histoire d'Abid, inshallah enfin. Là on va rentrer, je vais vous donner inshallah 10 points comment Allah subhanahu wa ta'ala, 10 points comment Allah subhanahu wa ta'ala il a protégé son tawhid. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala il a protégé son tawhid, son unicité, par le fait qu'il a interdit al-ghulu. Allah subhanahu wa ta'ala naha ibadahu 'anil ghulu fi din. Allah a interdit l'exagération. Hein? D'exagérer dans quoi? Dans la religion. Allah dit dans le Coran, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. D'accord? La taghlu fi dinikum. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Iyakum wal-ghulu. Iyakum wal-ghulu, fa inna al-ghulu wa fi din, ahlaka man kana qablakum. Je vous mets en garde contre le fait d'exagérer dans la religion. Car l'exagération a été une cause de quoi? De perdition dans les communautés qui étaient avant vous. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc c'est bien que tu t'accroches dans ta religion. C'est bien que tu sois ferme dans ta religion, mais pas de relou. Il y a des gens, ils sont venus vers Buyut al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vers les maisons du prophète. Et ils ont demandé au Mahat al-Mu'minin, au maire des croyants, ils ont dit, qu'est-ce qu'il fait Rasulullah? Et elles ont répondu, qu'est-ce qu'il faisait? Il prie, il jeûne, il mange, il fait ceci, il fait cela. Ils ont vu que c'était quoi? Ils ont vu que c'était quelque chose d'ordinaire, ce qu'il faisait en réalité. D'accord? Alors il y en a un, il dit, Wallah, à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus de viande. Un autre, il a dit quoi? Il a dit, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne me marie plus. Khlas, plus de nisa. Subhanallah adim. Et un autre, il a dit, je prierai la nuit et je ne dormirai pas. C'est du khir. Hein? C'est du khir ça ou pas? C'est pas du khir. Khalas, il battal ça, c'est du khir. Taïb. Eh ben non, c'est du char. à la base, oui, tu peux dire que hein, celui qui ne rentre pas trop dans les shahawats de cette dunya, oui. Mais pas de cette manière-là. Parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, il est venu et il a entendu. Il a dit ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha. C'est qui ces gens qui disent telle chose et telle chose? Et ensuite il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ankihun nisa bal atazawwajun nisa. D'accord? Le prophète alayhi salatu wasalam a dit mais moi plutôt je me marie avec les femmes. Et il a dit wa asum wa aftir, et je comment dirais-je, je fais le jeûne et quoi d'autre, et je mange. Et il a dit, et je fais la prière et je dors. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma sunna, il ne fait pas partie des nôtres. Allahu Akbar. Tu vois l'importance de Muhammadun Rasulullah. Parce que la ilallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammadun Rasulullah, ça veut dire quoi? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. La matbu'a bi haqqin illa man illa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas suivre qu'en vérité qui? Que le prophète, celui qui est digne d'être suivi, hein? Comme cela, c'est qui? C'est Ar-Rasul alayhi salatu wa sallam. Donc tu ne dois pas te dévier de la sunna, même si tu penses que c'est un bien. Pose la question, est-ce que ça c'est en conformité avec quoi? Avec la sunna. D'accord? Tu veux faire de rak'a tayyib, est-ce que ça c'est une sunna? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ça? C'est ça que tu dois poser. C'est pas d'abord faire la ibadah et ensuite te dire ouais peut-être que c'était un bien. Là peut-être que tu as fait un char adim. Vous avez compris ça, inshallah? C'est pour ça qu'il faut que tu te renseignes. Il y a des gens, ils font le hajj, voilà, ils font plein de bid'ah. Ils arrivent à Uhud par exemple, ils croient qu'il y a deux rak'at à faire, ils se posent à Uhud, ils font deux rak'at. Oui bien sûr, nous ça nous fait rire, ça nous fait truc, parce que nous on a appris alhamdulillah, on va dire toi tu mais celui-là en vérité tu dois être triste pour lui. Ça se trouve, son hajj, il va même pas être accepté. Parce qu'il est venu avec trop de bid'a et voilà, et khalas, Allah subhanahu wa ta'ala va le refuser. Man amila amalan, laysa alayhi amrun, fa huwa rad, mardoud. Hein, il est rejeté sur celui qui l'avait. Qu'Allah nous protège tous. Donc, mes frères, si vous voulez que vos œuvres soient propres, il faut qu'elles soient sous le tawhid, l'unicité d'Allah, ainsi que sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans relou, sans exagérer. D'accord, sans exagérer. Tu dis pas moi khlas maintenant ça y est, moi je dors plus avec ma femme, moi je vais faire qiyam al-layl tous les soirs ou etc. La illa li nafsika alayka haqqa wa li zawjika alayka haqqa, comme c'est venu dans le hadith. Tu as pour ton âme, tu as un haqq à lui donner, pour ta femme et pour tes enfants ainsi que pour les gens et aux proches, hein? Tout cela tu dois leur donner un haqq. Vous avez compris ça, inchallah. Et c'est celui qui arrive à donner le meilleur, celui qui a le meilleur équilibre dans tout ça, c'est celui qui est suivi qui? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Iyakum wal ghulu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même fait une dua contre ceux qui exagèrent. Il a dit halakal mutanatti'un. Hein? Il a dit qu'Allah fasse périr les gens qui exagèrent. Regardez par exemple ceux qui font du tasbih du matin au soir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Il le fait tout le temps. D'accord? Du matin au soir, moi je parle. Sa langue, elle s'arrête pas. Oui, c'est vrai, c'est un khir, mais. Est-ce qu'il a suivi le Rasoul alayhi sallam? Non, parce que le prophète alayhi sallam, il y avait des moments où il le faisait, il y avait des moments où il ne le faisait pas. Donc faites attention au relou et à l'exagération dans le din. Autre chose, le deuxième point qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné sur cela, sur le fait comment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé son tawhid, huwa an-nahy ash-shadid an sourati ذي الروح نعم ولا سيما المعظمين نعم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à ce qu'on dessine ou à ce qu'on représente quoi? Des images. Certains savants voient même que les appareils photo etc. ça rentre dans ça, parce que c'est une sourate à la fin. Ça s'appelle une sourate ou ça s'appelle pas une sourate? T'as attrapé une image ou t'as pas attrapé une image? Quand tu photographies, t'as attrapé une image ou t'as pas attrapé une image? Taïb, on va l'appeler comment en arabe? Sourah. Et ben regardez qu'est-ce que dit le prophète alayhi salatu salam dans le hadith rapporté par Ibn Abbas. Il dit sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala kullu musawwarin fi an-nar ويجعل له بكل سورة صورها نفس يعذب بها في جهنم رواه البخاري ومسلم Le prophète عليه الصلاة والسلام dit tous ceux qui font représentent des images tous ceux-là ils rentreront donc dans le feu de l'enfer et ils auront pour chaque chose pour chaque image qu'ils auront prise une âme et avec cette âme-là ils auront le châtiment dans l'enfer qu'Allah nous protège tous pourquoi Allah il a interdit l'image pourquoi Allah il a interdit plutôt la représentation d'image une fois Allah j'ai même vu un juif un yahoudi ils sont venus pour le filmer il a dit pas d'image s'il vous plaît vous avez compris bon ça prouve que au moins l'asl c'est la religion elle est en vérité c'est une seule religion vous avez compris il y a des vous avez compris ça prouve que ça prouve qu'il y a des racines d'accord lui il a dit pas d'image d'accord et c'est même écrit dans les commandements dans les 10 commandements si c'est pas le premier ou le deuxième je crois que c'est le deuxième il dit tu ne feras point d'idole tu ne représenteras point d'idole pourquoi parce que ça amène à quoi ça amène à adorer autre qui qu'Allah laisse une photo toi tu vas voir aujourd'hui peut-être qu'elle va pas faire de mal la photo mais dans 10 ans 20 ans ou 30 ans ou 40 ans imagine-toi il n'y a plus rien et les gens je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ils retrouvent quoi ils retrouvent une photo et qui reviennent je sais pas moi, au temps des chevaux ou au temps de l'épée il n'y a plus ce qu'on a aujourd'hui il n'y a plus de voiture etc ils retrouvent une photo comment ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire je pose la question qu'est-ce qu'ils vont faire Shaitan là il va venir tu sais c'était qui lui c'était quelqu'un de salih comme dans le Qom de Noé c'est quelqu'un de salih juste pour te souvenir de lui pose-le juste comme ça devant pose-le sur le mur comme ça tu te souviens de lui ça se fait pas quand même c'est ton père ton ancêtre et après petit à petit et les gens après ils viennent ils disent c'est qui lui c'était un salih et ça y est après ils commencent à l'honorer dans le cœur. Après on commence à poser des fruits en dessous après on commence à faire quoi des dua et après on commence à faire des visites vous savez qu'au Japon dans chaque quartier il y a une statue et tu mets de l'argent comme ça et tu dois la prier quand tu rentres dans tel quartier il y a un petit Bouddha là ou je sais pas comment ils appellent ça une petite statue et tu viens tu dois poser de l'argent et tu dois l'invoquer subhanallah adhim pour ça qu'il y a des zelazil pour ça qu'il y a tout le temps des tremblements de terre là-bas et oui c'est vrai mais vous croyez que je rigole wallah c'est vrai parce qu'ils font le pire des péchés c'est le pire des péchés shirk et ikhwan c'est le pire des péchés طيب adorer autre que Allah bien sûr c'est le pire des péchés insan la yashku fi hada na'am et le prophète alayhi salatu salam dit man sawwara suratan fi ad-dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh le prophète alayhi salatu salam dit quiconque représente une image dans cette vie d'ici-bas il aura donc la responsabilité de faire quoi de souffler une âme dedans et il n'y arrivera pas t'imagines toi Allah subhanahu wa ta'ala dit il va dire tiens souffle dedans essaye de lui mettre une âme t'imagines le adab et imagine toi les photographes ou imagine toi ceux qui dessinaient et qui voulaient représenter des représentations comme ça ou les dessinateurs n'am il y en a ça طيب le troisième point c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre la construction des voûtes et des mosquées sur les tombes car cela est une cause directe pour faire du shirk car cela est une cause directe pour faire du shirk le prophète alayhi salatu wassalam a parlé des gens qui étaient avant nous il a dit inna ulaiki idha kana fihim ar-rajul as-salih famata fihim aw famata banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar fa ulaika shiraru al-khalqi 'inda Allah Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Oum Habiba, il lui dit, ces gens-là, ce sont certes des gens qui, lorsque un homme pieux mourait, il construisait sur sa tombe un masjid, une mosquée. Et il dessinait et représentait donc des représentations. Il dit ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, Oulaika shirarul khalqi indallah. Il a dit, c'est les pires auprès d'Allah. C'est les pires auprès de qui ? D'Allah. Qui ? Ceux qui représentent. Ceux qui construisent sur les tombes. Et aujourd'hui, toi, quand tu viens, tu dis, Wallahi, ikhwan, mat sallo fi hadal masjid. Ne priez pas dans cette mosquée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tombe. Il te dit, ah, toi, laisse-nous. Ah, toi, laisse-nous faire ce qu'on veut. Là, toujours, toi, interdit. Et ha, le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans le hadith de Bukhari, il dit c'est les pires. C'est les pires. Il n'a pas dit ceux qui font zina, c'est les pires. Il n'a pas dit ceux qui boivent de l'alcool, c'est les pires. Non. Il a parlé de qui? Des gens qui construisent quoi? Des mosquées sur des tombes. Le quatrième point également, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'une interdiction une grande, une formelle sur le fait de quoi? D'honorer les tombes, d'avoir trop trop de considération pour les tombes. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit de prier de prier en direction des tombes, comme c'est venu dans le hadith d'Abi Marthad, où le prophète alayhi salam a dit la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. D'accord, ne priez pas en direction des tombes et ne vous asseyez pas dessus. Pourquoi le prophète alayhi salam nous a dit ne vous asseyez pas sur les tombes? Pas pour ça. Mais voilà. Sallo il a le qubur. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a interdit de prier vers le qabr. Ça on sait pourquoi. Ça on sait pourquoi. Parce que ça peut mener au shirk. D'accord. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام nous a interdit de prier vers les tombes, ainsi que de construire au-dessus des tombes, et ainsi que de mettre du plâtre dessus, afin qu'elle reste cette tombe-là, ou alors de l'embellir. Ça, tout ça, il nous l'a interdit. D'accord. Vous me suivez jusqu'à maintenant. Maintenant, pourquoi il a interdit de quoi? De s'asseoir dessus. Hurmatul muslim, ya khwan. Le sens sacré, le musulman. Comme quoi, il faut pas que tu te déranges, toi, le musulman, même dans sa tombe, tu t'assois dessus. Non, il a une hurma, le muslim. Il a un honneur qu'il faut que tu préserves. Vous avez compris? Ça n'a rien à voir avec quoi? Ça n'a rien à voir avec le shirk. C'est juste par rapport au respect du musulman. Donc regardez, le muslim, il est mukarram fi dunya, il est rempli de khair dans cette vie-là, et hatta fil akhira, même dans l'au-delà, alhamdulillah. Taïb. Le cinquième point également, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ce qu'on détruise les qubba. Qubba, c'est quoi? C'est les mausolées ou les voûtes là, d'accord? Il interdit à ce qu'on construise cela sur les tombes ainsi que sur les tombes ainsi que sur les mosquées, les tombes, naam. Et plutôt, il nous a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala d'égaliser le niveau des tombes. Et ils ont dit que c'était un chibre à peu près ça. D'accord, ça veut dire que tu dois l'élever. Pourquoi tu l'élèves? Pour dire qu'il y a une tombe, c'est tout. Et non pas pour dire qu'il y a un salih ou quoi, etc. Parce qu'aujourd'hui, si tu commences à mettre une brique, après tu vas en mettre une deuxième, après t'en mets une troisième, après ça fait une maison, après on fait du tawaf autour, et après on fait du shirk. Oui, mes frères, ça, c'est vrai. Génération après génération. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a envoyé, ou plutôt Ali, radiallahu anhu, a dit à Abil Hayyaj, il lui a dit, أبي الهيتاج نعم إلو أدي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تدع سورة إلا تمصتها ولا قبرا مشرفا إلا سويته دكور دوك علي رضي الله عنه إلى أنفوي إلى دي دوك عن سي كومبانيون إلى دي veux-tu que je t'envoie sur ce que m'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme mission. Il lui dit, tu ne laisses pas une image sans que tu l'effaces. D'accord? Tu ne laisses pas une image sans que tu l'effaces. C'est-à-dire, toute image que tu vois, tu essaies de l'effacer. Wala qabran mushrifan illa sawaita. Ni une tombe élevée sans la remettre à un niveau. Vous avez compris ça, inshallah? Donc le prophète alayhi sallam, il a ordonné à ses serviteurs, il a ordonné aux serviteurs d'Allah plutôt, à faire quoi? Au ibad, de faire quoi? D'égaliser et de remettre à niveau les tombes dès qu'elles sont élevées. Alors qu'on ne vient pas à toi te critiquer demain si tu ne sais pas parce que tu ne l'aimes pas. C'est ça, c'est comme ça qu'ils nous ont appelés, nous, Ahl al-Sunnah. Ils nous disent, vous, vous aimez pas les salihin. Vous, vous venez, vous nous dites quoi? Vous nous dites qu'il faut pas élever les tombes. Mais mon frère, nous, c'est pas qu'on les aime pas. C'est peut-être mon père, c'est peut-être, mais c'est même si c'est un sahabi. Nous, on l'aime. Walakin, est-ce qu'on va élever sa tombe? Non. Pourquoi? Parce que le prophète Sassim nous a dit de la remettre à niveau. Parce qu'imagine-toi si demain on l'adore, ce sahabi, comme il s'est passé. Moi j'habite pas loin de Sidi Orba au Bled, je peux vous dire qu'ils en ont fait des choses, hein, là-bas. Des tombes, mon frère, ils font des maîtres, c'est des maisons. Ils ont mis des maisons, des mausolées, il y en a plein au Bled, vous voyez. Mais ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Quand les gens reviendront au Tawhid, là, masha'Allah, là vous allez voir, le barakat tenzel min al-sama'i wal-ard. Hein? Hein? Walaw istaqamu ala al-tariqati. Donc c'est avec l'istiqama, c'est avec la droiture dans l'islam que revient le khayr. Wallah, c'est avec ça, c'est pas avec autre chose. Et plus le bled il est muslim, c'est à dire il s'accroche à l'adoration d'Allah et au tawhid, plus Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al fihi al-amn. Allah il va mettre quoi? Il va mettre la sécurité. Mais quand c'est un bled où il y a du shirk, wallah, il n'y a pas d'amn. Il a vu ghorej il a vu him l'ihlat al-shita et al-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من إيش من خوف وآمنهم من خوف. الله يدخل السيكوريتي يا أخي, يدخل السيكوريتي dans ce bled. La meilleure sabab, la meilleure des causes pour avoir la sécurité dans un bled, c'est quoi? C'est le tawhid, يا إخوان. والله c'est le tawhid. Dès que nos pays ont commencé à délaisser ces pratiques de l'jahiliya, c'est là qu'il est venu le khair. صح ولا لا؟ والله سلك ابن الخير جزاهم الله خيرا اهل السنه والجماعه كالله لي بروتيج اي كالله لور دون اون غراند ريكومبونس ا سو كي سون فينو هان سي مسلمون كي نوزو مونتري هان سيتي كوا لو شرك دي لا افون سافي كوا افون سافي ميم با سي سا سيتي دو شرك او با افون سافي ميم با سي سا سيتي ان بدعه اون سنه مي كون لي جون اهل السنه اي سون فينو اي نوزو مونتري جزاهم الله خير نورمالمون دو لور فير دعاء ماتان اي سوار هان نورمالمون لور دير كالله لي ريكومبونس. Non, mais qu'Allah les récompense. Ceux qui sont dans leur tombe, qu'Allah les récompense également. Taïb. Le sixième point, Ikhwan, il y a la menace lourde, al-wa'id al-shadid, la menace lourde, hein, qui est sur quoi? Qui est sur le fait de d'honorer une personne plus qu'elle ne l'est. Ça, vous allez me dire, d'où ça vient? Oui, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans un hadith sahih, il dit, man sarrahu أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui est content, ou celui qui aime que les gens se lèvent pour lui lorsqu'il vient à eux, qu'il prépare une chaise dans le feu. Tu vois les gens là, par exemple ils rentrent, par exemple toi t'es assis, d'accord, par exemple t'es assis, il y a une personne là qui vient, qui rentre, et toi tu te lèves, d'accord, tu te lèves pour lui. Lui, s'il déteste ça avec son cœur, s'il n'aime pas ça, c'est bon, d'accord, il n'a pas ce péché là mais s'il aime que les gens ils se lèvent pour lui, fi qalbihi khalas hadaish hada, qui prépare une chaise dans le feu. Ikhwan, vous connaissez ce hadith? Vous ne connaissez pas? Regardez. Et pourquoi ce hadith? Normalement il doit te faire réfléchir. Ça, c'est une preuve encore qu'Allah il a protégé quoi? Son tawhid. Parce que toi, si tu commences à aimer ce que les gens ils t'alouk, hein, ou une frouk, et te gonflent, et te, hein, si tu commences à aimer ça avec ton cœur, eh ben tu rentres dans ce péché là. Pourquoi Allah il nous a obligé de détester cela? Pourquoi? Pour pas que tu rentres dans, pour pas que ce soit une porte vers le shirk. Vous avez compris ça, inshallah? Hein? Hein? C'est une forme, quelqu'un c'est une forme de taurien, ça c'est clair, c'est d'exagération ça aussi. Il aime que les gens ils se lèvent pour les rêves, t'aimes les gens, pourquoi? J'aurais jamais pensé ça, moi. Alhamdulillah, heureusement qu'on n'a pas. Mais il y a des gens, oui, ils aiment ça. Ils se lèvent, ils disent, ah, comment? Ils se lèvent pas pour moi ceux-là? Ah, tu te prends pour qui? On en voit crier. Ils disent, oui, moi je suis. On en voit tous les jours crier comme ça. Mais il n'y a rien. Demain quand il sera dans sa tombe, il n'aura rien. Il aura trois questions. C'est tout. Et il a bien répondu, alhamdulillah. Il a mal répondu, adab. Khalas. Trois questions. Naam, ikhwan. Taïb. Le septième point par lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a protégé son tawhid, c'est le fait qu'il nous a interdit de porter des talismans. Ça ? Pourquoi ? Parce que la petite feuille là, que tu vas attacher dans un bracelet, que tu vas mettre sur ton bras ou sur ton poignet, ça c'est une cause. Hein, c'est vraiment, en plus, c'est une cause qui n'est pas maqboula, qui n'est pas acceptée dans notre dîn. Mais celle-là, elle est la porte vers quoi ? Vers le shirk. Elle est déjà du shirk si tu la portes. D'accord ? Peu importe ta niya, c'est du shirk. Naam. Mais c'est du shirk qui va dépendre de ta niya. Si toi tu penses que cette chose-là, elle va te défendre hein, du mal, ou elle va t'amener le bien, hein, indépendamment d'Allah, là c'est quoi ? Grand shirk. Mais si c'est juste un sabab pour toi, là t'as fait du petit shirk. Et le petit shirk, c'est pire que la zina. C'est pire que la zina. C'est pire que tous les grands péchés que tu peux penser, les péchés majeurs. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Vous avez compris ? Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de porter des talismans, d'accord ? Ça, c'est encore une manière de protéger son tawhid. D'accord ? Le prophète alayhi salatu wa sallam dit « Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak » Quiconque attache une amulette ou porte une amulette, hein, il a fait du shirk. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège tous. Na'am. La huitième chose, il en reste deux, Inch'Allah. La huitième chose, le huitième point, c'est que le prophète alayhi salatu wa sallam avait interdit à sa communauté de faire ziyarat al-qubur. Et la raison pour laquelle il leur a permis, c'est quoi ? C'est lorsqu'ils ont eu la foi et le tawhid. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit quoi ? Kuntu nahaytukum an ziyarat al-qubur fazuruha. Alors au début de l'islam, le prophète alayhi salatu wa sallam, il interdit quoi ? Il a interdit à ce qu'on visite les tombes. D'accord ? Mais vers la fin, quand il a vu que ça y est, les musulmans ils ont une foi bien ancrée, qu'est-ce qu'il leur a fait ? Il leur a permis de partir et de visiter les tombes. Vous avez compris, Inch'Allah ? Et quand tu visites les tombes, c'est pour trois choses. La première, te rappeler de la mort. La deuxième, on a un bon souffleur là. Hein ? La deuxième, allez voir la deuxième, Ikhwan. Hein ? Al-Ihsan il a le mayyit. D'accord ? C'est l'Ihsan il a le mayyit, le fait de faire dua pour le mayyit, c'est un Ihsan. D'accord ? C'est une forme de bienfaisance. Mais attention, qu'est-ce que tu dis ? Tu ne vas pas aller voir une tombe bi'ayniha. Tu rentres dans le truc, tu dis salamu alaykum ahl al-diyar al-mu'minin wa inna inshallah bikum lahiqun, nasallahu lana wa lakum al-afiyah. Et tu passes, khalas. La tazid ala hada. Ah, Allah a'atina al-amwat wa al-sidi, vous nous avez laissé. Ah, khalas, maintenant on n'a plus rien. Sans vous êtes partis, maintenant on est des pauvres. Ya al-amwat, demandez à Allah. Ya al-amwat, a'oudhu billah, shirkiyat comme ça. Et ça existe, ne me dis pas que ça n'existe pas, yahi. Une fois j'étais devant la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, je suis passé, et il y en a un, il a commencé à lever ses mains. Je lui dis, yahi, qu'est-ce que tu fais ? Et il me dit, je suis en train de faire dua. Je lui dis, t'appelles qui ? Qui j'appelle là devant, je fais. Il ne pouvait pas dire. Alors, il m'a vu, il a dit, je suis assez dangereux, ou là, je ne sais pas. Et il y en a un, il est venu, et il m'a dit quoi ? Il m'a dit, laisse-le. Pourquoi tu l'empêches ? Je lui dis, oh, qu'est-ce qu'il a là ? Dis toi déjà, je dors avec ta comédie chez nous. Hein, toi, pourquoi tu rentres ? Je suis en train de nasah, non, toi tu rentres pas. Je suis en train de lui faire un nasah, non, tu rentres pas comme ça. Il dit laisse-le. Mais c'est même pas ce que je suis en train de lui dire, il dit laisse-le. Et taïeb, il me dit ana muhaddith. Il me dit moi, je suis un savant dans le hadith. Je dis ah bon, t'es un savant dans le hadith ? Je dis mashallah, c'est bien. Je dis et alors, ça change quoi ? Je suis juste en train de lui faire l'amr bil ma'ruf, inshallah, pour pas qu'il fasse ce qu'il est en train de faire. Je suis en train de l'appeler un bien, de ne pas se mettre devant la tombe du professeur Hassan, parce que le professeur Hassan, il interdit ça. Et les compagnons, ils ont jamais fait ce qu'il est en train de faire. Donc il est en train de faire quoi ? Au minimum une bid'a, au maximum du shirk. Mais voilà. Il est entre ces deux halates. Il me dit, moi je suis un muhaddith, je dis. J'ai dit, taïeb, t'es un muhaddith, donne-moi un hadith qui permet ce qu'il vient de faire. Allez, donne-moi un seul hadith. Il a fait comme ça. J'ai dit, donne. Yallah, moi j'attends un hadith. Il a fait ça. Fabouhit. Khalas, il a plus rien à dire. Il a regardé comme ça, je dis allez, salamu alaikum. Il avait rien à dire. Wallahi, Ikhwan, toi, lorsque tu parles, faut que tu parles avec yaqin. Faut que tu parles avec certitude. Tawhid, faut avoir la certitude sur ça. Faut pas que tu sois mzaza. Faut pas que tu trembles dans ça. Non. il faut que tu sois ferme. Tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne tout. Wallah, les frères, Allah, il vous donne tout. Avec quoi? Avec le tawhid. Tu fais deux rak'at, tu demandes quelque chose aujourd'hui, Allah, il va te donner. Mais quoi? Tout va dépendre de la foi que tu as. Hein? Tout va dépendre de la foi que tu as dans ce cœur. Si elle est grande, Allah, il va te la donner rapidement. Mais si elle est petite, ou alors, tu as commencé à trop te pencher vers les esbab, vers les causes, hein? Et bien là, Allah, il va te retarder cela. Pourquoi? Parce que tu t'es penché vers les causes qu'Allah nous protège. Le neuvième point, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit de sacrifier les bêtes dans un endroit où on sacrifie pour autre que qu'Allah. Ça, c'est une des manières comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé son tawhid. Alors, il a interdit non seulement de faire cela, il a interdit Allah subhanahu wa ta'ala de sacrifier une bête vers une tombe ou vers un endroit où on adore autre qu'Allah ou vers une idole, hein, ou dans un jour ou dans un lieu ou dans un jour qui serait une de leurs fêtes, d'accord, qui serait une de leurs fêtes. Vous avez compris ça, inchallah? Ça, c'est pourquoi en vérité, pour pas, ça c'est une porte fermée pour le shirk. Vous avez compris ça, inchallah? Ça, c'est une porte fermée pour le shirk. Il y a une personne qui avait fait le vœu d'immoler, hein, un ibil, c'est-à-dire un chameau, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est un endroit qui s'appelait Bouana. Et il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit: Nadartu an anhara ibilan bi Bouana. J'ai fait le vœu de faire cela, de sacrifier un chameau à cet endroit qui s'appelle Bouana. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a posé ces questions là. Il lui a dit: Hal kana fihi wathanun min awthanihim? Est-ce qu'il y avait une idole de parmi leurs idoles, c'est-à-dire de parmi les idoles des païens? Qalu la, ils ont dit non. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: Hal kana fiha 'eedun min a'yadihim? Est-ce qu'il y avait une fête, hein, spécifique à ce jour-là, yani à cet endroit-là, est-ce qu'il y a une fête, n'am, de parmi leurs fêtes, les fêtes des païens? Qalu la, ils ont dit non. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Awfi bi nadrik, c'est-à-dire accomplis ton vœu. Donc on voit bien ici que le prophète alayhi salatu wassalam lui a permis. Mais avant ça, il a posé des questions. Et ces questions, elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, s'il avait laissé peut-être cette personne-là, yani, si on laisse plutôt nous, on laisse une personne sans lui poser des questions, hein, sans lui dire est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça, et au moment où il va faire le dhabh, il se peut qu'il tombe dans quoi? Dans une forme de shirk. Dans une forme de shirk qui va le mener vers le shirk akbar. Et en Égypte, il y a un qabr qui s'appelle qabr al-Badawi. La tombe de l'Badawi, et ils viennent par milliers, voire millions de personnes. Ils viennent avec des cars, etc. Ils disent: on voit les ours, le Badawi va nous donner quelque chose. Il ne donne rien, le Badawi. Le Badawi, c'est de la poussière, ça y est. Il ne donne rien. Walakin, al-shirk, yakhwan. Al-shirk, yakhwan. Ils viennent avec des chameaux, ils viennent avec des agneaux, ils viennent avec des moutons. Ya al-madad, ya al-Badawi, izatbah. El Madad, ça veut dire au secours, appelle à toi. Et le Badawi, tu les vois alors immoler leurs bêtes devant cette tombe-là. C'est une des tombes les plus adorées du monde. Eh, ça va vite. Ça va vite, Yerwan. Wallah al-Musta'an. Le shirk, ça va très très vite. Ma asra' al-nas ila shirk. Comment les gens, ils sont, hein, rapides pour le shirk. Allah nous en protège. Le dixième et dernier point, Inch'Allah, on pourra en citer beaucoup d'autres, bien sûr. Hein, mais Inch'Allah, ta'ala, on va s'arrêter sur ce point-là, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde contre tout moyen menant vers le shirk, na'am, que ce soit par une pierre ou que ce soit par un arbre, hein, comme na'am, comme shajarat rish zat al-anwat, na'am, ou que ce soit par autre que cela, d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela, a interdit toute forme de shirk, par toute forme. Il ne faut pas dire que le shirk des mouchirikines d'avant, il n'était que sur des salihines. Non, il était aussi sur quoi? Sur des pierres, sur des autres choses, sur des arbres, etc. Donc le shirk, c'est tout le shirk qu'Allah il a interdit. Et c'est pas le shirk dans une branche là, c'est tout le shirk qu'Allah il a interdit. Et c'est cette leçon que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a donné un jour à ses compagnons. Il est venu et il a embrassé la pierre noire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a embrassé cette pierre noire, il a dit: Inni a'lamu annaka hajar la tanfa'u wa la tadur wa lawla inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa'al lama fa'altu dhalik. Si je sais que tu es une pierre, tu ne fais ni du bien ni du mal. Mais si je n'avais pas vu le prophète alayhi sallam faire cette chose-là, je ne l'aurais pas fait. Et ça, c'est le meilleur dars que tu peux avoir. Subhanallah al-Azim. Omar ibn Khattab. Et un jour, Omar ibn Khattab, il a fait la prière avec des compagnons. Et ils ont cherché un endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était passé par cet endroit. Il avait fait la prière dans cette mosquée-là. Et ils ont entendu. Ou plutôt, Omar ibn Khattab, il a vu une foule devant cette mosquée. Il s'approchait vers cette foule et il a dit: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de gens? Ils ont dit: Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière ici. Il a fait la prière ici. Ma asra'akum. Qu'est-ce que vous êtes rapide? Hein, ça y est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière ici. Et vous vous précipitez pour faire comme cela la prière ici, dans cette mosquée-là. Il cherchait en fait les traces du prophète alayhi salat wa sallam, c'est-à-dire dans cette tombe. Et c'était une porte qui allait faire quoi? C'était une porte qui allait ouvrir le... qui allait ouvrir le shirk. Ou alors, aussi, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait également? Radiallahu anhu, il nous a donné les meilleurs doros, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu ce verset qui dit: laqad radiyallahu anil mu'minin ay yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Et certes, Allah a agréé les gens qui ont fait le pacte en dessous de quoi? De l'arbre. Toi, tu dis quand même, Allah il a cité cet arbre dans le Coran. Ah. Hein? Tu dis, Allah il a cité cet arbre dans le Coran, c'est pas n'importe quel arbre quand même. C'est un arbre où ils ont fait le pacte et que Allah il les a agréés. Omar ibn Khattab, il est parti et il a dit: allez hop, cet arbre il part. Il a arraché l'arbre. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de shirk. Regardez. Pourtant, ذكر هذه الشجرة فيش في القرآن ولكن فهم التوحيد. Ibn Khattab, il a bien compris le tawhid. Il a compris que le murad c'était juste le lieu. Allah il a juste voulu dire ce lieu-là, hein, qui a eu cet événement-là, mais il a jamais voulu rappeler qu'il y avait un mérite spécifique à quoi? À cet arbre-là. Vous avez compris ça, mes frères? Donc, attention, Ikhwan al-Kiram, faites bien attention au shirk et prévenez les gens autour de vous sur ce sujet-là. Sachez que la meilleure des hasanas vers laquelle vous pouvez appeler, c'est laquelle? C'est le tawhid. Et la pire des sayyi'ah vers laquelle vous pouvez mettre en garde, c'est quelle? C'est le shirk. Sachez cela et propagez cela autour de vous. Une fois, j'ai même parlé à ma petite sœur et je lui ai demandé et je lui ai parlé de tawhid. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle était en maternelle. Elle m'a dit: moi je suis parti. Elle m'a dit: là t'es en train de me dire que ça c'est interdit. J'étais en train de juste lui dire: nous on n'a pas le droit d'adorer des gens, on n'a pas le droit de faire des dua, etc. Je lui ai juste dit ça. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit: mais moi je comprends pas. Je comprends pas ce que tu me racontes là. Il dit: parce que nous, la professeure à l'école, elle nous a appris quoi? Elle nous a réunis, tous les enfants, elle nous a dit: vous levez vos mains et vous dites: oh Jésus, Seigneur Jésus, donne-nous, et fais ceci et fais cela. Je dis: quoi? Votre professeur vous a appris ça? Wallah, ici, Ikhwan, et ça remonte à 15 ans ce que je vous raconte. Je dis quoi? Toi, ils t'ont dit ça? Ils n'ont pas le droit, même dans leur loi, ils n'ont pas le droit. Parce que c'est des écoles laïques, ça. Mais ils font ce qu'ils veulent, on va arrêter, faut arrêter. Là. C'est bon, on connaît ça, l'histoire de... C'est que les musulmans qui ont des mashakils, les autres, ils n'ont pas de mashakils. Hein, je ne veux pas vous faire des dessins, ça. Taïb. Alors, Hadil bint Hadi, ma sœur, je lui dis: ils ont fait ça? Ils m'ont dit oui. Vous savez, il fallait que je lui explique encore le tawhid. Elle me dit: t'as pas le droit d'appeler un prophète? Mais elle le fait tout le temps. Je dis: ah bon, t'as fait ça? Et puis j'ai commencé à lui parler. Je lui dis: écoute, tu sais ce que tu vas dire à ta professeure? Tu vas aller la voir. Toi, tu sais qu'Issa, c'est un prophète? Elle me dit: oui, je sais que c'est un prophète. Il dit: lui, il donne ou il reprend ou il fait quelque chose? Elle me dit: non, il fait rien, c'est Dieu qui donne et qui reprend. Elle me dit: bah voilà, elle a fait du shirk. D'accord. Je dis: bah tu sais ce que tu vas dire à ta professeure? Tu dis: madame, Jésus, c'est un prophète. Je dis, tu vas juste, parce que les enfants, il faut leur donner quoi? Des petites paroles, il ne faut pas trop le wassa'a. Il ne faut pas être trop large. Vous leur donnez, hein, le prophète Sassim, il a dit quoi, Ibn Abbas, ihfadillah, ihfadk. Des tout petites paroles, il ne faut pas lui tkibbar alayh al-qawiyya. Alors je lui dis quoi? Je lui dis, tu vas lui dire ça. Tu vas lui dire, voilà madame, Jésus c'est un prophète. Il lui dit, oui c'est un prophète. Elle est partie, elle me dit ce que je lui dis, de dire. Jésus c'est un prophète, oui c'est un prophète. Ben pourquoi on doit appeler Jésus, madame? C'est mieux d'appeler le Dieu de Jésus. Elle a regardé comme ça, et les enfants, ils ont regardé comme ça le professeur et dit, oui madame, on veut appeler le Dieu de Jésus. Elle les a appelés au tawhid, nos petites sœurs. Elle a dit, oui madame, je veux appeler les gens ou quoi? Donc, oui madame, on veut appeler le Dieu de Jésus, on ne veut pas appeler Jésus. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé après ça, mes frères? Je dis, après, qu'est-ce que t'as fait? Alors, moi je lui ai demandé. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, elle m'a mis au coin. Je dis, elle t'a puni? Il dit, bah c'est bien, alhamdoulilah, moi t'as puni, fisabilillah. Je dis, c'est bien. Inch'Allah, t'as une récompense auprès d'Allah. Attendez, c'est pas fini. Mais moi, vous croyez que j'allais laisser ça comme ça ou quoi? Je dis, comment je vais faire maintenant avec mes parents? Une mouchrika lui apprend le shirk. Comment je vais leur faire? Je vais dire, soit elle va aller les voir. Tu auras une rencontre normale d'un père qui va aller voir le professeur et qui lui dit ouvertement, voilà, vous n'enseignez pas ces choses-là à mon enfant, puisque vous-même vous dites que c'est une école, là, qu'il n'y a pas de din. Au moins, vous ne ramenez pas ce din-là sur ma petite fille. Ça. Et moi, j'ai dit, même pas ça. Je ne vais pas me prendre la tête. Al-Wahiya Bint. J'ai dit, toi, tu connais la force des doigts. Elle me dit, bien sûr, j'ai déjà fait des doigts, Allah il a accepté, alhamdulillah. Mashallah, la petite soeur. Elle s'est dit, ah, mashallah, ta petite soeur. J'ai dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas invoquer Allah. Et tu vas dire que tu vois plus cette professeur. Elle me dit, ah ouais? Je dis, oui, t'inquiète. Je dis, invoque Allah et t'inquiète pas, Allah il va accepter. Les doigts des petits enfants comme toi, c'est accepté. Elle m'a dit, ah ouais? Bon, d'accord. Elle est partie, elle fait des doigts. Deux semaines plus tard, je reviens. Je fais, ma petite soeur, je l'appelle, Mira. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé alors avec ton école là? Qu'est-ce que t'as fait? Il dit, tu devineras jamais. Je dis quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles quand tu m'as dit qu'il fallait faire deux A, j'ai fait deux A. Elle est malade jusqu'à la fin de l'année. Je dis, Allahu Akbar. Je dis, voilà. Regardez, at-tawhid, ikhwan. Barakallahu fikoum, subhanakallahu hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.